L'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours des trois dernières émissions, nous avons analysé l'évolution de la socio-économie canadienne durant la période pré-confédérative, cette période d'expansion dans le commerce mondial et de croissance économique accélérée depuis les années 1840 jusqu'au début des 1870. Comme nous l'avons vu, cette période voit arriver la décolonisation, voit s'infiltrer lentement l'industrialisation et voit se créer un espace économique intégré dans le Canada central, un espace économique désormais intégré par un réseau de canaux et de chemins de fer. C'est une mutation profonde que ces transformations annoncent, une troisième discontinuité dans l'expérience de la socio-économie canadienne. Dans cette 14e émission de notre série, et dans les deux autres qui vont suivre, nous examinerons certains aspects de cette troisième discontinuité qui fait passer la socio-économie canadienne dans l'ère industrielle. Aujourd'hui, la montée de la classe ouvrière. En 1870, la socio-économie canadienne arrive au point de mutation. Cette lente transformation des structures politiques, sociales, économiques, tout au long de la grande vague de croissance qui a emporté l'économie canadienne depuis les 1840 jusqu'au 1870, on sent qu'elle s'accélère. La révolution industrielle arrive pleinement au Canada. La révolution industrielle, c'est bien davantage que l'introduction de la mécanisation, que l'arrivée de la fabrique. Encore que mécanisation et fabrique incarnent les éléments les plus voyants d'un processus de mutation qui s'embruit, emporte toute la structure sociale, change les rythmes de vie. On avait évidemment eu des signes avant-coureurs que des changements dans les arrangements socio-économiques étaient proches. La grève des charretiers de Montréal en 1864 avait montré que l'arrivée du chemin de fer, du grand tronc, n'allait pas laisser le système de transport intra-urbain intact. Citant la responsabilité que le chemin de fer doit endosser pour les marchandises endommagées entre le dépôt du chemin de fer et les entrepôts des marchands, et au nom de l'efficacité économique, le grand tronc crée une agence exclusive, une agence de voiturage qui effectue en exclusivité le lien entre les dépôts et la ville. Pour les 1200 charretiers de Montréal, en général des artisans indépendants, le capitalisme industriel est arrivé, représenté par le grand tronc. Ce n'est pas la fabrique, c'est le besoin d'uniformiser les services qui va changer les rapports de production. Les emplois ne sont pas détruits, les outils de travail, voitures, cheval, n'ont pas changé, mais le chemin de fer, par son agence exclusive, va ni plus ni moins qu'accélérer le processus de prolétarisation de ses artisans. Bientôt, ces artisans ne vont posséder ni cheval ni voiture, ils seront salariés. C'est la technologie sociale qui est transformée, les rapports entre les hommes qui sont modifiés. La fin du 19e siècle, c'est la période durant laquelle le Canada s'urbanise. En 1850, à peine 15% de la population du Canada central vit dans les villes. En 1870, on frise les 20%. En 1900, on est entre 35 et 40% d'urbains. Ensuite, ces urbains vont de plus en plus en arriver à travailler dans des fabriques. En 1882, un comité spécial sera chargé de faire enquête sur les conditions de travail dans les fabriques, fabriques qui sont maintenant devenues une institution répandue au Canada. Enfin, ces urbains salariés, dont le travail est la seule source de revenus, vont vivre maintenant dans un régime économique sujet aux aléas du cycle économique, les conditions économiques de surproduction périodique entraînant des mises à pied périodiques. Cette période d'urbanisation, de montée des manufactures et des fabriques, d'instabilité économique, que sera le dernier tiers du 19e siècle, ce sera aussi une longue période de ralentissement de l'activité économique mondiale. Les taux de croissance du commerce mondial tombent de moitié par rapport à ce qu'ils avaient été dans la période de 1840 à 1870. Le ralentissement est encore plus dramatique dans l'économie britannique. Au Canada, certains historiens et certains économistes parleront de grandes dépressions pour identifier la période des 1870 au 1890. Et pourtant, malgré cette croissance lente, l'industrialisation progresse rapidement. C'est la révolution industrielle au Canada. À Montréal, à proximité du canal Lachine, se concentrent les industries nouvelles, meunerie, industrie de la chaussure, du fer et du bois et de leurs dérivés. Malgré la stagnation de l'économie mondiale, le ralentissement aux États-Unis n'est pas aussi prononcé et le Canada en profite. Pour Paul-André Linteau de l'Université du Québec à Montréal, on peut véritablement parler des 1870 comme d'un point tournant, comme le moment où on a des preuves que le passage au capitalisme industriel est réalisé. Quand on regarde le recensement industriel de 1871, on se rend compte que dans plusieurs secteurs industriels, le passage à la grande industrie est maintenant réalisé. On se rend compte que dans plusieurs secteurs, il y a quelques grandes entreprises qui monopolisent presque toute la fabrication. Par exemple, dans le tabac, tout le secteur du tabac est monopolisé par deux ou trois grandes entreprises, comme la célèbre manufacture de McDonald's Tobacco, qui, à elle seule, emploie plusieurs centaines d'ouvriers et qui assure une grande partie de la fabrication du tabac. Dans la chaussure, sur un peu plus qu'une centaine d'entreprises, il y en a 7 ou 8 qui emploient 300, 400 ou 500 employés et qui assurent une grosse partie de la production de chaussures. Dans les produits en fer et en acier, la même chose. La plupart des secteurs industriels, on peut dire qu'en 1871, le passage à la grande industrie est maintenant réalisé. La production de type artisanal est devenue de plus en plus marginale. Ce nouveau Montréal, ce Montréal industrialisé qui a ses grandes entreprises, il est contrôlé par une bourgeoisie montréalaise qui est toujours anglophone ou anglophone toujours, et francophone? Toujours majoritairement anglophone. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans beaucoup de cas, ce sont des marchands montréalais, et ça deviendra encore plus net dans les années 1880, ce sont des marchands montréalais qui commencent à investir dans la production. Le secteur du textile dans les années 1880 en est un bon exemple. Ce sont des grossistes, des importateurs en ce qu'on appelait en mauvais français les marchandises sèches, les dry goods. Ce sont ces gens-là qui commencent à investir dans la fabrication de tissus pour remplacer certaines importations qu'ils faisaient jusque-là. Parce qu'ils se rendent compte que ça pourrait être plus rentable encore de fabriquer ici. Un autre exemple, c'est celui de grossistes en quincaillerie, Morland et Watson, qui ont des problèmes d'approvisionnement en toutes sortes de produits de quincaillerie et qui décident d'investir dans une entreprise de laminage et de fabrication d'outils et qui vont mettre sur pied la Montreal Rolling Mills, qui devient la plus grosse entreprise dans le secteur du fer et de l'acier à Montréal à la fin du 19e siècle et qui plus tard sera intégrée dans Stelco. Alors, il y a une multitude d'exemples comme ça. Jean-Baptiste Roland, qui est un vendeur de papier et un vendeur de livres à l'origine, a des problèmes d'approvisionnement en papier et décide dans les années 1880 d'ouvrir une usine de papier qu'il va aller installer, lui, à Saint-Jérôme. Et il y a de nombreux exemples comme ça. Du côté des hommes d'affaires canadiens-français, ils sont toujours minoritaires, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que graduellement, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on voit émerger un nouveau groupe d'hommes d'affaires canadiens-français qui s'intègre dans cette bourgeoisie montréalaise, tout en étant minoritaire, mais qui participe à cette expansion économique considérable que connaît le Canada dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a des possibilités nombreuses d'investissement. Et on trouve un certain nombre d'entrepreneurs canadiens-français qui réussissent à s'intégrer là-dedans, qui commencent très souvent modestement et graduellement en réinvestissant dans l'entreprise, sont en mesure de bâtir quelque chose qui est assez considérable. Il faut cependant se rendre compte qu'à cette époque-là, dans plusieurs secteurs industriels, c'est quand même facile d'entrer en affaires quand on compare avec la situation aujourd'hui. La dépendance envers une technologie très coûteuse est beaucoup moins forte à l'époque. Pour devenir manufacturier de chaussures, par exemple, dans les années 1880, l'investissement principal consiste à construire une bâtisse. Mais la machinerie, on la loue de fabricants de machinerie, de sorte qu'avec un capital assez modeste, il va être possible pour plusieurs entrepreneurs canadiens français de se lancer en affaires dans la chaussure. Et ce sera le cas dans d'autres secteurs aussi qui requièrent peut-être moins d'investissement initial où on réinvestit graduellement les profits. C'est encore une étape qu'on appelle de capitalisme concurrentiel, c'est-à-dire où il y a de nombreux entrepreneurs qui se lancent en affaires dans le même secteur. Il y en a plusieurs qui font faillite, qui ne réussissent pas, mais il y en a qui réussissent. Et les besoins de capital sont certainement moins grands qu'avec, par exemple, les très grosses entreprises du début du 20e siècle liées à l'exploitation des richesses naturelles. Le contexte est différent. Dans ce monde où les capitaux nécessaires pour se mettre en affaires sont peu importants, cette transition dans le processus de production et d'échange et dans la structure de la bourgeoisie est un phénomène important. Mais il serait difficile de ne pas voir que simultanément, d'autres transformations sont en train de modifier substantiellement la nature de la socio-économie canadienne. En particulier, on voit la population canadienne changer dans la seconde moitié du 19e siècle. On voit son comportement démographique évoluer. Des nouveaux venus arrivent, du monde atlantique et du Pacifique aussi, et en nombre impressionnant, plus d'un million de nouveaux arrivants entre 1871 et 1891. Mais durant la même période, c'est plus d'un million et demi qui partent. Un brassage incroyable de population qui va faire qu'en 1890, on pourra dire que les personnes nées au Canada, vivant aux États-Unis, constituent plus de 20% de la population canadienne. Cette transformation démographique va être à la fois une cause, un effet et un indicateur intéressant de l'évolution de la socio-économie canadienne dans le dernier tiers du 19e siècle. Fernand Harvey est un sociologue de l'Institut québécois de la culture qui s'est intéressé au mouvement ouvrier canadien à la fin du 19e siècle. Le Canada, le Québec aussi, sont des pays d'immigration. Alors, tout au cours du 19e siècle, et ça commence avec l'importation d'immigrants irlandais qui construisent les canaux, vous aurez ensuite les Chinois pour la construction des chemins de fer, et ainsi de suite pour différents groupes d'immigrants qui viennent soit d'Angleterre, soit d'Europe, soit d'Asie. Il y a donc une arrivée assez massive ici au pays de groupes d'immigrants. Certains vont repartir évidemment vers les États-Unis. C'est un phénomène important. Et ça se situe dans un grand brassage où vous avez en même temps une immigration interne, c'est-à-dire un mouvement des campagnes vers la ville, vers les lieux d'industrialisation. Alors, au début, les Canadiens français, comme vous le savez, vont plutôt migrer vers la Nouvelle-Angleterre, puisque c'est là que se situent les manufactures au milieu du 19e siècle. Mais par la suite, vous aurez un mouvement d'immigration des campagnes vers Montréal, vers la fin du 19e siècle, au fur et à mesure qu'il existe des fabriques, des lieux d'emploi. Alors, des familles complètes, par exemple, venant de certaines régions rurales du Québec, comme le Saguenay, venaient à Montréal et étaient employés en bloc dans une manufacture de textile, par exemple. Et bien qu'on connaisse encore mal tout ce phénomène-là, il semble bien qu'il y avait plusieurs motifs d'immigration, l'immigration de la campagne vers la ville, l'immigration étrangère. On trouve, par exemple, beaucoup de protestations des ouvriers à l'époque contre la venue de nouveaux immigrants. Alors, on observe une espèce de rivalité ou d'opposition entre les ouvriers autochtones, ceux qui sont déjà ici, et les nouveaux arrivants. Également, on faisait venir, ça n'existe plus évidemment aujourd'hui, des travailleurs immigrants de l'extérieur pour briser des grèves. Alors, lorsqu'une grève existait dans une entreprise, on pouvait faire venir un certain nombre d'ouvriers allemands ou d'autres origines pour briser la grève. Alors, vous avez donc tout un phénomène assez complexe de brassage de population où les francophones, les anglophones et les autres groupes ethniques se mêlent dans ce processus d'urbanisation et de prolétarisation du Québec de la fin du 19e siècle. Ce chassé-croisé de mouvements de population va stimuler des échanges de plusieurs ordres avec l'étranger. on verra les transferts de technologies se faire plus facilement, les habitudes aussi et les modes de vie être empruntés. En fait, cette période de la fin du 19e siècle va ni plus ni moins que marquer une transsubstantiation de la population canadienne. Certains ont parlé de transition démographique. C'est le régime démographique qui se transforme ici après qu'il eut commencé de se transformer ailleurs. Le taux de mortalité décline, puis le taux de natalité commence à décliner. On voit ce changement dans la population se faire en symbiose avec le processus d'industrialisation. L'effet net, une population qui s'accroît plus vite, une population qu'il faudra trouver moyen d'absorber ou d'exporter. Hubert Charbonneau est un spécialiste de démographie historique à l'Université de Montréal. Il date la transition démographique au Québec autour de 1875, en retard sur celle du reste du continent, mais participant de la transition démographique nord-américaine. La transition démographique a démarré par la baisse de la mortalité. Mais la natalité a commencé à baisser en même temps que la mortalité. Et je vous dirais qu'on est encore loin de pouvoir dire quels sont les facteurs de ces deux baisses respectives. Alors, la mortalité a baissé essentiellement sous l'effet des progrès de l'hygiène collective, personnelle aussi. Le savon a sûrement joué un plus grand rôle dans la baisse de la mortalité que la majorité des découvertes scientifiques et médicales antérieures au XXe siècle. Autour de quelle période est-ce qu'on voit commencer ce déclin du taux de mortalité, M. Charbonneau, au Canada? À partir de la seconde moitié du 19e siècle. Probablement vers 1850, donc à une époque où l'immigration anglaise britannique est relativement forte. Je serais enclin à penser que cette immigration britannique a eu des effets sur la baisse de la mortalité au Canada. D'abord, premièrement, parce que ces Britanniques arrivaient avec des habitudes qu'ils avaient prises dans un pays où la mortalité baissait déjà depuis près d'un siècle. Et comme ces immigrants, eh bien, prennent une place de plus en plus grande dans la population, eh bien, ils interviennent naturellement dans le taux qu'on peut calculer. Les contacts avec les États-Unis, les contacts avec ces immigrants britanniques qui arrivent. On a l'impression, M. Charbonneau, en lisant la littérature sur la fin du 19e siècle au Canada, que la montée des machinofactures, que la montée des fabriques, que la montée de tout le processus industriel avait créé une vie moins intéressante, plus polluante, plus destructrice pour l'humain. Vous semblez nous dire que c'est justement le moment où le taux de mortalité va tomber. Il peut y avoir tout de même des facteurs très favorables qui évoluent en même temps que des facteurs défavorables, les uns l'emportant sur les autres. Il semble que les débuts de l'industrialisation aient accru l'inégalité face à la mortalité qui existait sous l'Ancien Régime. Et il y a eu, dans ces prolétariats urbains notamment, ça a été décrit un peu partout, il y a eu des populations qui ont été soumises à un régime de mortalité épouvantable. Heureusement, il ne semble pas que ça ait duré très longtemps. Et les avantages de l'industrialisation, on peut relativement rapidement compenser pour ces générations sacrifiées des débuts de l'industrialisation. Alors, au Canada, c'est peut-être un peu moins net qu'en Angleterre, par exemple. Ça ne se présente pas d'une manière aussi brutale. Néanmoins, ces phénomènes-là ont existé. Mais la baisse de la mortalité était tellement nette. La mortalité subissait tellement l'évolution générale propre à l'Amérique du Nord. Le simple fait qu'à partir de 1850-60, il y ait beaucoup de Canadiens, et de Canadiens français en particulier, qui aillent aux États-Unis, qui en reviennent, qui ramènent donc des habitudes de vie, ça a joué beaucoup, puisqu'aux États-Unis, la mortalité baissait depuis le début du siècle. Étant donné que les États-Unis forment un des pays où la mortalité a baissé le plus rapidement, avant même la natalité, je crois que dans ce sens-là, le Canada, le Québec, fait vraiment partie de l'Amérique du Nord. C'est donc une transformation dans l'économie tant que dans la population canadienne que l'on vit en fin 19e siècle. Économie et population sont en processus d'intercréation, si on peut dire. Et c'est le dosage complexe des mouvements de population qui va, par exemple, stimuler l'émergence du marché capitaliste du travail, de la prise en charge du travail humain par le marché. Nous avons parlé dans une émission antérieure des terrassiers irlandais du temps de la construction des canaux, victimes de la loi de l'offre et de la demande. À proportion que le taux de mortalité tombe et que l'immigration est abondante, il va y avoir surplus de main-d'œuvre et les salaires vont tomber. En 1867, un manœuvre gagne un dollar par jour pour 10 heures de travail et il travaille 6 jours par semaine. La femme gagne la moitié du salaire de l'homme, de 35 à 60 cents par jour. Pour ce qui est des enfants, ils gagnent 25 cents par jour. Face aux excès du marché capitaliste du travail, un contre-mouvement s'organise qui va mettre bien du temps à atteindre sa maturité, à organiser une action collective efficace. Les ouvriers revendiquent, mais il s'agit le plus souvent de soulèvements en réponse à certaines circonstances particulièrement pénibles, soulèvements sauvages qui n'ont pas de lendemain. Mais de lents progrès sont enregistrés entre 1830 et 1870. Progrès lent parce que le syndicalisme n'est pas légal. Jacques Rouillard est un spécialiste de l'histoire du syndicalisme à l'Université de Montréal. Il y avait existé, dès les années 1830, un mouvement pour la journée de 10 heures, une journée minimum de 10 heures. Et à Montréal, il y avait un groupement, en particulier les ouvriers irlandais, qui militaient en faveur de cet objectif. Et un peu plus tard, dans les années 1870, là, un mouvement s'organisera au Canada, aux États-Unis, et je pense en Angleterre aussi, pour obtenir la journée minimale de 9 heures. Alors, il y a des cellules de travailleurs organisées vers cet objectif. Il y a ces cellules-là organisées à Montréal, à Toronto, à Hamilton et dans diverses autres villes aussi. Et ce mouvement ne va pas réussir. Pourquoi, M. Rouillard? À court terme, le mouvement ne réussira pas. Les typographes de la ville de Toronto demanderont à leur patron la journée de 9 heures. Et celui-ci refusera. Et il invoquera une loi récente adoptée par le Parlement canadien et britannique pour faire disparaître le syndicat. C'est une loi qui interdit les groupements visant à établir un monopole. Alors pour eux, dans l'esprit de l'époque, un syndicat, ça avait pour objectif d'établir un monopole des travailleurs pour obtenir certains avantages. Alors ils utiliseront cette loi-là, la loi de 1872, pour faire disparaître le syndicat. Maintenant, le gouvernement réagira de la façon suivante, voyant la tollée qui soulève cette question dans la population, à Toronto et ailleurs, modifiera la loi pour donner aux syndicats un caractère légal. La grève des typographes de Toronto en 1872 et tout le mouvement pour la journée de 9 heures qui s'y rattache, c'est la première manifestation importante de la classe ouvrière au Canada. Son dénouement, c'est la fin de l'illégalité pour les syndicats ouvriers. Mais si la loi des unions ouvrières sanctionne l'existence légale des syndicats, ces syndicats ne vont pas avoir la vie facile dans les années 1870. Les années 70 ont été une décennie de chômage, de réduction de salaire, de désintégration et de défaite pour les travailleurs canadiens. En un sens, la grève des typographes et le mouvement de la journée de 9 heures auront été des démonstrations de volonté de puissance qui vont tourner court. Et pourtant, il y a changement important. Pour ceux qui ont étudié cette période, comme l'économiste Stephen Langdon de l'Université Carleton, cette grève est signe que le monde change, car cette grève est différente substantiellement des précédentes. Il s'agit non plus de mouvements ouvriers purement réactifs, mais d'un mouvement où les ouvriers ont saisi l'initiative. La lutte importante, 1873. Les ouvriers prennent une initiative. C'est une lutte pour un jour de 9 heures, une semaine de travail de 54 heures. Il y a des manifestations, il y a des actions politiques dans toute la province. Il y a peut-être 2000 personnes qui se manifestent à Hamilton, il y a peut-être 5000 à Toronto. Mais M. Langdon, qu'est-ce qui déclenche en 1873 ce mouvement de la part des groupes ouvriers qui réclament la journée de 9 heures, la semaine de 54 heures. Qu'est-ce qui les embrigade dans cette croisade? On trouve des problèmes de chômage. Et une réponse à ce problème, c'est de réduire les heures de travail. C'est une réponse locale au problème local. Mais il y a aussi un sentiment d'initiative au niveau national. Il y a un gouvernement qui veut l'appui des ouvriers. C'est quelque chose qui donne la confiance au syndicat. À mon avis, c'est quelque chose qui démontre aux ouvriers qu'il est possible de faire des choses comme groupe, comme classe. Quelque chose sur les questions des heures de travail. Le contexte dans lequel se passe ce conflit de 1873, c'est un contexte où montent les villes, où grandit encore l'industrialisation. Oh oui, c'est vrai. C'est la chose centrale, à mon avis. Ce n'est pas possible d'avoir un mouvement des syndicats, un mouvement des ouvriers, quand il n'y a pas une société qui s'industrialise. Est-ce qu'on peut dire que les politiques nationales de 1879, la politique tarifaire de 1879, va accélérer l'industrialisation au Canada? Je pense que oui. C'est une question controversielle. C'est une question où il y a beaucoup de différences entre les économistes. Mais à mon avis, pour faire de l'industrialisation, c'est nécessaire d'avoir ces choses comme ça dans cette période. Les politiques de McDonald's sont importantes en cette situation. Donc, politiques qui vont stimuler la croissance encore plus rapide d'industrie pour servir le marché domestique, ce qui va accélérer encore la croissance des villes, ce qui va accélérer encore le processus de prolétarisation. Est-ce que dans les années 80, M. Langdon, on va voir les effets de cette accélération dans le mouvement syndical? Quand l'économie accélère, bien, il y a des syndicats qui se ramassent d'expérience. Bientôt, il y a une organisation nationale des syndicats. Et quand il y a une organisation comme ça, c'est possible de faire des analyses, d'avancer des politiques. Et c'est ce qu'on voit aux années 1890. Mais même avant que ces formes d'organisation plus complexes ne voient le jour, avant que les ouvriers ne se soient donné des syndicats et des fédérations capables de contrebalancer le pouvoir des grandes entreprises, des employeurs, bien avant que cette action donc ne porte fruit, on voit monter des signes que la classe ouvrière non seulement existe, non seulement agit comme classe, mais qu'elle est consciente d'être une classe différente et que les autres classes de la société canadienne en sont arrivés à la percevoir comme telle. Une classe, mais qu'elle est consciente d'être une classe différente et que les autres classes de la société canadienne en sont arrivées à la percevoir comme telle. Il est évidemment difficile de faire la preuve de ces phénomènes de conscience de classe. Stephen Langdon, dans une thèse remarquable, a essayé de suivre à la trace la vision du monde des typographes de Toronto à travers les procès-verbaux de leur réunion, procès-verbaux qui traduisent les inquiétudes, les idéaux, les perceptions de ce groupe de syndiqués. D'autres aussi ont utilisé toute une gamme de moyens indirects pour cerner l'émergence de cette conscience de classe. J'ai demandé directement à Jacques Rouillard si vraiment on pouvait dire qu'une classe ouvrière existe comme telle, consciente d'elle-même, au Canada, dans l'après-1870. Oui, il existe une classe ouvrière qui se manifeste par le fait qu'il y a un certain nombre de travailleurs qui, pour la première fois, disent parler au nom de l'ensemble de la classe ouvrière. Ça, c'est tout à fait nouveau dans notre histoire. Et deuxièmement, ces travailleurs-là, pour la première fois, ont un projet global de société, un projet de réforme sociétale, qui est différent de celui des autres classes sociales. Cette conscience de classe, elle est bien sûr mieux sentie par un certain nombre de leaders. Ses besoins sont exprimés, mieux articulés par des leaders syndicaux. Maintenant, il n'en reste pas moins, je pense qu'il faut lire les journaux de l'époque pour se rendre compte qu'il y a vraiment dans la population ouvrière une conscience d'appartenir à une classe différente des autres. Je me rappelle d'avoir lu dans les journaux des annonces indiquant articles pour la classe ouvrière ou journal de la classe ouvrière. Il y avait une nette séparation entre la bourgeoisie et la classe des travailleurs. Ça, les gens le sentaient, donc, cette différence. Même s'ils ne manifestaient pas cette différence, cette distanciation de classe dans les deux mouvements syndicaux, ils n'étaient pas tous syndiqués. Il y avait quand même un assez faible pourcentage des travailleurs qui étaient syndiqués. En 1900, il y avait peut-être 10 000 travailleurs syndiqués au Québec, qui représentent, disons, à peu près 6-7 % des salariés de l'époque. Mais en fait, c'est quand même 10 000 personnes qui ont pris conscience de leur situation. Est-ce qu'en Ontario, le syndicalisme a progressé plus vite en fin 19e? Est-ce qu'on peut parler d'un pourcentage de travailleurs plus élevé qui sont syndiqués? Non. Le pourcentage, peut-être est-il légèrement supérieur au 19e siècle. Il y a un peu plus d'organisations ouvrières, internationales ou chevaliers du travail, un plus grand nombre d'assemblées, mais il faut se souvenir que la population ontarienne est supérieure à celle du Québec. Mais à partir du début du 20e siècle, les pourcentages sont à peu près identiques. Après la terrible décennie des années 70, on voit s'allumer toutes sortes d'espoirs dans les années 80. En 1879, la politique nationale du gouvernement de John A. Macdonald contribue pour un moment à consolider un mouvement de reprise économique. Cette politique protectionniste qui favorise l'implantation au Canada d'industries capables de rivaliser avec les industries étrangères arrive au moment où le marché intérieur canadien se fait plus important. Mais cette reprise va tourner court. Dès 83-85, nouvelle crise économique, moins grave que celle de 1873, mais assez grave pour enrayer le développement et perpétuer cette vague de ralentissement économique qui va durer jusque dans les années 90. Mais la politique de protection des industries nationales a quand même eu des effets. Le rapport Black Bay en 1885 sur l'état des industries manufacturières en Ontario et au Québec fait état de l'ouverture de 258 fabriques entre 1878 et 1884. C'est 13 454 ouvriers additionnels, dit le rapport. Et ce, en plus de l'expansion dans les 467 usines déjà en existence en 1878. Expansion qui, conjuguée aux nouvelles usines, aurait créé plus de 27 000 emplois dans les fabriques du Canada central en moins de 6 ans. Les années 80, c'est aussi, diront certains, le moment où les entrepreneurs, les employeurs, vont vouloir utiliser cartel et collusion pour éviter les aléas du marché, pour contrôler les prix, pour faire front commun aussi, face aux syndicats légaux dont la puissance s'accroît. Les 1880, c'est aussi la mécanisation, le passage à la fabrique qui s'accomplit. Dans le tabac, le cuir et les textiles, il existe des fabriques regroupant de 200 à 1000 employés où la production à la chaîne est en opération. Et avec la fabrique, c'est la machine à vapeur. On en trouve plus de 700 à Montréal en 1888. Fernand Harvey nous parle de la réorganisation du travail qui accompagne l'émergence des fabriques dans les années 1880. On assiste à une période de transition entre la phase artisanale et la phase de mécanisation. Évidemment, cette transition n'est pas générale dans tous les secteurs industriels, Vous avez des secteurs qui vont demeurer encore longtemps très peu mécanisés, d'autres qui vont rapidement le devenir et se développer encore davantage dans ce sens-là. Mais je pense que c'est ce qu'on peut observer de façon plus visible et ce que les ouvriers eux-mêmes rapportent. Alors, sans faire ici une histoire de la technologie, certains ont appelé deuxième révolution industrielle un certain nombre de perfectionnements, comme le perfectionnement des machines-outils qui intervient vers le dernier tiers du 19e siècle et qui permet davantage de précision dans la fabrication, qui permet le travail en série. Et vous aurez un peu plus tard, au début du 20e siècle, les usines Ford, par exemple, dans l'automobile, qui est un exemple poussé de ce type d'évolution de la technologie. Mais dès les années 1880, si l'on s'en fie aux témoignages, dans certains métiers, il y a nettement une brisure. Je ne dis pas que la brisure est sur une base de une ou deux années. Dans certains cas, c'est un long processus, comme dans la chaussure, par exemple. On voit que l'état de mécanisation à l'époque de la Commission est le résultat d'un long processus de mécanisation qui commence sans doute dans les années 1830. Mais on a encore dans les témoignages des ouvriers certains qui ont le souvenir de l'époque artisanale de leur métier. Et si on prend le cas de la chaussure, qui est particulièrement intéressant, certains témoins sont venus dire à la Commission: bien, vous savez, il n'existe plus aujourd'hui un cordonnier pouvant faire toutes les étapes de fabrication d'un soulier. Autrefois, c'était le cas. Maintenant, un ouvrier fait la semelle, un autre coule en peigne, un autre fait une autre phase, ainsi de suite. Mais c'est la division du travail, la parcellarisation des tâches. Et on peut observer le même phénomène dans d'autres secteurs, les textiles, évidemment, sont un secteur qui, dès leur implantation au Québec dans les années 1870, sont déjà fortement mécanisés. Et ces problèmes de mécanisation vont avoir toute une série de conséquences sur ce qu'on pourrait appeler l'organisation du travail à l'intérieur de la fabrique ou de l'usine. L'artisan traditionnel était celui qui avait l'initiative de son travail, qui pouvait décider à quel rythme il travaillait, quel serait le choix de ses matériaux, à quelle vitesse il irait, et d'une façon générale, quelles seraient les méthodes qu'il emploierait. Et toute cette philosophie liée à l'initiative disparaît en bonne part avec la mécanisation, puisque l'ouvrier qui succède à l'artisan et devant une machine, et n'a qu'à répondre aux besoins de la machine. Il devient lui-même un rouage de la machine. Il faut aussi situer ça dans un système assez particulier à l'époque de travail, c'est-à-dire que dans les manufactures de textiles, de chaussures, de cigares en particulier, vous avez non seulement le travail des hommes, mais le travail des femmes et le travail des enfants. Et ce travail, notamment des femmes et des enfants, est rendu possible justement par la mécanisation. C'est-à-dire que lorsque vous aviez des artisans, il fallait une certaine habileté pour réaliser le travail. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Un enfant peut très bien s'occuper d'une machine et la faire fonctionner de façon tout à fait adéquate. Ça coûte moins cher à la compagnie, ça va de soi. La même chose pour les femmes. On peut aussi introduire ce qu'on appelle des ouvriers non qualifiés ou des manœuvres qui eux aussi n'ont plus de métier. Et tout ça provoque une certaine dégradation de la qualification du travail. Chaque ouvrier, chaque enfant, chaque femme devient donc plus ou moins interchangeable dans ce système-là, comme un peu les pièces d'une vaste machine. C'est justement. Et ceci a des répercussions assez importantes sur l'organisation des ouvriers entre eux, c'est-à-dire le syndicalisme. À partir du moment où un patron peut facilement remplacer un ouvrier par un autre, il n'a pas à se soucier, outre mesure, des revendications de ses ouvriers, puisqu'il peut les congédier à loisir et qu'il n'y a pas de législation sociale à l'époque et qui peut l'en empêcher. Donc, le fait, dans certains secteurs industriels, parce qu'il ne faut pas, encore une fois, généraliser à l'époque le niveau de mécanisation, mais le fait qu'il existe comme ça des ouvriers homme, enfant ou femme sans qualification enlève beaucoup de poids de négociation et prolonge une situation d'exploitation dont on a à peine le souvenir aujourd'hui. Cette transformation du travail et de l'organisation du travail qui va être déclenchée par la généralisation de la fabrique, par la mécanisation, va ni plus ni moins que robotiser les humains, les forcer à s'adapter au rythme de la machine, à accomplir du travail en miettes qu'on peut confier même à des enfants. De là évidemment des salaires de famine, puisque la compétence requise est minime, de là l'emploi des femmes et des enfants, sans oublier les mauvais traitements qui ont cours dans les usines. Certains vont dire que le fouet et le cachot font partie du système industriel canadien dans les années 1880. Il y aura réaction à mesure que la population s'urbanise et que la fabrique se généralise. Cette réaction va engendrer un contre-mouvement ouvrier organisé, un contre-mouvement qui va déborder les métiers, les syndicats de métiers, pour rejoindre l'ensemble des travailleurs. Les 1880, ce sera la décennie des chevaliers du travail, le groupe qui va donner cette impulsion, cette conscience au mouvement ouvrier canadien, l'ouvrir à des objectifs qui, tout en débordant les métiers, débordent l'entreprise aussi. C'est dans la ville, pour faire face aux problèmes des travailleurs urbains de toutes sortes, que les chevaliers du travail s'assemblent. Cependant, cette première réaction organisée ne va pas donner les résultats qu'on attendait. Jacques Rouillard. À partir de 1880, on peut parler d'un mouvement ouvrier organisé. Il existe un très grand nombre de syndicats, assez grand nombre, enfin, relativement à la période, et ces syndicats se regroupent en organismes de caractère politique, j'entends politique non partisane. Ces syndicats créent le Conseil des métiers du travail de Montréal en 1885. Ces syndicats créent à Montréal et en collaboration aussi avec des syndiqués des autres provinces du Canada, en particulier de l'Ontario, créent le Congrès des métiers du travail du Canada en 1883. Alors, ces organismes ont des objectifs socio-économiques. Ils ont pour but de faire fléchir la législation au niveau municipal ou au niveau fédéral dans le sens des intérêts des travailleurs. Alors, le Conseil du travail de Montréal, en 1885, revendique, par exemple, les bibliothèques publiques. Il revendique les écoles du soir, la disparition du travail des enfants d'ayant moins de 14 ans. Enfin, ce type de revendication qu'il fait dans les années 80. Alors, ça, c'est tout à fait nouveau dans les années 1880, ces revendications de type socio-politique. C'est pas par hasard que ce phénomène-là s'est produit au Québec dans les années 80, durant en Ontario dans les années 1870. C'est tout simplement parce que, à ce moment-là, le Canada passe d'une période d'une économie commerciale à une économie industrielle. Il s'industrialise. Donc, l'industrialisation crée de nouveaux problèmes pour les travailleurs et ils y réagissent au niveau politique. Non plus strictement au niveau économique, au niveau de l'entreprise, mais au niveau des pouvoirs publics. Et cette réaction collective de la part des ouvriers, est-ce que c'est une réaction qui emprunte aux outillages des syndicalisme américain, des syndicalismes anglais, ou si on invente ici une forme de syndicalisme canadien un peu différent? Elle emprunte beaucoup à l'étranger, que ce soit les États-Unis ou l'Angleterre ont connu l'industrialisation beaucoup plus tôt qu'au Québec. Alors, ils ont vécu les problèmes que les travailleurs québécois et canadiens vivaient, ils les ont vécu plus tôt. Ils ont apporté aussi plus tôt des solutions à ces problèmes-là. Alors, cette prise de conscience sociopolitique au Québec et au Canada anglais s'est manifestée sous l'influence des chevaliers du travail. C'est une fédération américaine. Elle est née aux États-Unis dans les années 1860-70, a pénétré au Canada début des années 80, 1882, et à Montréal en 83-84, il y a des assemblées de chevaliers du travail. Il y en a peut-être en 90 une quarantaine d'assemblées de chevaliers du travail à Montréal, et un certain nombre aussi à Québec et dans des centres plus petits dans la province. Alors, ces chevaliers sont importants au Québec entre 1882 et 1900, à peu près. Après, le mouvement disparaît. Qu'est-ce qui est la philosophie de base des chevaliers du travail? C'est une forme de syndicat, type de syndicat. Cependant, le principal de leur action ne se situe pas au niveau de l'amélioration du sort des travailleurs dans l'entreprise, mais l'amélioration plus globale des travailleurs au niveau socio-économique. Alors, ils regroupent tous les travailleurs dans des assemblées, peu importe leur métier. Et même, ils regroupent certains membres de la bourgeoisie aussi, qui sont sympathiques aux revendications ouvrières. Et ces assemblées font pression sur les pouvoirs publics pour transformer, réformer la société dans un sens plus favorable aux intérêts des travailleurs. Ce qu'ils souhaitent, c'est une réforme fondamentale du système économique, du système capitaliste dans lequel on vit. C'est l'abolition du salariat et l'établissement de la propriété. Et aussi, il souhaiterait un régime économique où existe la propriété et coopérative. Ce sont les objectifs lointains qu'ils souhaitent atteindre. Maintenant, ils le font par l'éducation de la masse, l'éducation des travailleurs, dans les assemblées, c'est le type de travail qu'ils font. Et ils le font aussi en pressant les pouvoirs publics de transformer la société. C'est une espèce de stratégie révolutionnaire parce qu'en fin de compte, ils s'attaquent à l'essence même du système capitaliste, à la grande entreprise, au salariat. Puis, ils cherchent, dans une certaine mesure, à revenir en arrière, à revenir aux périodes antérieures à l'industrialisation, lorsqu'il existait ces petites entreprises où il y avait contact personnel entre patrons et ouvriers. Alors, c'est une espèce de refus de l'industrialisation et un retour vers l'arrière, une idéologie de retour à l'arrière. Donc, une forme institutionnelle presque condamnée à l'échec, puisque l'industrialisation est envahissante et qu'avec l'industrialisation, ce retour en arrière est rendu impossible. Oui, oui. C'est ce dont vont se rendre compte les ouvriers de métier à l'intérieur des chevaliers de travail. Les ouvriers de métier, certains d'entre eux avaient eu leur syndicat dès le début du 19e siècle, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, la même chose. Et ces ouvriers de métier, beaucoup d'entre eux avaient participé à ces assemblées de chevaliers de travail. Mais ils se rendent compte, fin des années 80 aux États-Unis, et disons dans les années 90 au Canada, ils se rendent compte que ce n'est pas le type d'action qui servira le mieux leurs intérêts. Vaut mieux concentrer l'action des travailleurs au niveau de l'entreprise. L'amélioration du sort des travailleurs au niveau de l'entreprise, et ils vont en faire l'essentiel de leur action au niveau de l'entreprise. Ce qui fait que les chevaliers du travail ne seront pas un véhicule utile pour cette nouvelle pensée syndicale. Exactement, ils ne le seront pas. Ils l'ont été dans le sens d'une prise de conscience par les travailleurs de problèmes globaux de la société. Que certains de leurs problèmes ne pouvaient pas se résoudre au niveau de l'entreprise, mais au niveau politique. Dans ce sens-là, ils vont donner une impulsion énorme ou une prise de conscience ouvrière parmi les travailleurs québécois. Et c'est un rôle extrêmement significatif qu'ils joueront dans l'histoire du mouvement ouvrier. Ce que va révéler l'expérience des chevaliers du travail, c'est que les intérêts des travailleurs ne sont pas seulement différents de ceux des autres classes, mais qu'ils peuvent être opposés. La stratégie des chevaliers va tourner court. On va sentir le besoin de revenir au niveau de l'entreprise pour résoudre les problèmes qui opposent employeurs et employés. Ces problèmes, le gouvernement va les percevoir aussi. En 1882, l'enquête sur les fabriques canadiennes avait révélé des conditions difficiles de travail dans les fabriques. Plus tard, dans la décennie, l'enquête sur les rapports entre le capital et le travail va reprendre l'enquête et vouloir la pousser plus loin. Fernand Harvey a rédigé une étude fouillée sur cette enquête des années 80. Que cette commission ait été instituée dans les années 80, c'est à mon sens le signe que l'industrialisation commence à être beaucoup plus marquante au pays. Si on se situe par rapport au mouvement ouvrier, en particulier, on s'aperçoit qu'il existait des grèves dès le début du 19e siècle, des mouvements de contestation plus ou moins spontanés, et qu'il y existait des syndicats indépendants à partir des années 1840-1850, mais c'est à partir, je pense bien, des années 1880, et puis, il y a une certaine masse critique, si vous voulez, qui permet au prolétariat de s'exprimer, de devenir peut-être pas une menace, mais en tout cas de constituer un certain poids politique. Vous avez justement la naissance, ou plutôt l'implantation au Québec des Chevaliers du Travail, qui est le premier mouvement d'ensemble pour le syndicalisme dans ces années 1880, et qui est un signe parmi d'autres du fait que l'industrialisation commence à être un phénomène important au Québec. L'urbanisation aussi, ça va de soi. Est-ce que ailleurs, dans les autres pays, on va sentir aussi le besoin d'étudier les rapports entre le capital et le travail? La plupart des pays industrialisés de l'époque sentaient une espèce de menace dans la montée du prolétariat et voulaient une façon de fermer le problème. Alors, il y avait bien sûr l'économie politique qui, au niveau théorique, essayait d'explorer le phénomène de l'industrialisation, mais vous avez aussi ces enquêtes plus empiriques qui visaient moins, à mon sens, une connaissance scientifique comme une enquête sociologique moderne, mais plutôt à informer le pouvoir bourgeois de l'époque de l'évolution de ce qu'on appelait, dans certains cas, les classes dangereuses et qui pouvaient constituer une menace à l'ordre établi. On a donc créé un peu partout ces commissions d'enquête. Et dans les années 80, il y en a eu une, effectivement, non seulement au Canada, mais aux États-Unis, et une en France. Qu'est-ce qui va déclencher de façon tactique la nécessité d'avoir une telle commission au Canada? Il faut situer, je pense, la naissance de cette commission d'enquête dans les rivalités politiques de l'époque, c'est-à-dire que vous avez un parti conservateur qui a repris le pouvoir en 1879 et qui, traditionnellement, s'est fait le champion de la cause ouvrière, au moins en parole. Vous vous souvenez peut-être que le premier ministre MacDonald avait créé une loi légalisant les unions ouvrières en 1872. Alors, à l'époque de cette commission, en 1886, une élection se présentait et par un certain opportunisme politique, le premier ministre MacDonald avait senti le besoin de, encore une fois, montrer aux ouvriers qu'il était de leur côté et empêcher en même temps non seulement que leur vote aille du côté des libéraux, mais que leur vote aille du côté d'un phénomène nouveau qui s'appelait les candidats ouvriers. À l'époque. Alors, il y a donc une espèce de conjoncture politique immédiate qui peut expliquer la naissance de cette commission-là, mais c'est quand même le signe qu'un certain nombre de problèmes sont accumulés au Canada. On voit un peu partout dans les autres pays qu'on étudie ces questions-là et on se dit, il faudrait bien qu'au Canada également, on voit quelle est la nature de notre problème industriel, même si on a tendance, d'une façon générale, chez les politiques, à dire, au fond, la situation n'est pas aussi grave au Canada qu'elle peut l'être en Angleterre ou dans d'autres pays d'Europe. Au Canada, la commission vivra des désaccords entre deux groupes de commissaires qui vont rédiger d'ailleurs deux rapports distincts. Mais l'un et l'autre des rapports, tant le rapport pro-patronal que le rapport pro-syndical, diffèrent malgré tout assez peu. Et de toute manière, ils n'auront pas beaucoup d'effet. Jacques Rouillard. La commission fait enquête en 86-87, instituée par le gouvernement fédéral, suite à l'industrialisation. Alors, l'industrialisation a créé de nouveaux problèmes, des problèmes comme, par exemple, l'emploi des femmes et des enfants dans les usines, le travail à la pièce, qui est inconnu auparavant, mais qui généralise avec l'industrialisation, c'est le travail à la pièce. Aussi, les longues heures de travail, les conditions abominables de travail. Alors, tous ces problèmes créés par l'industrialisation font qu'il existe un mécontentement à la population, un mécontentement qui se canalise au niveau politique, et le gouvernement y répond en créant cette enquête en vue de connaître la situation. Malheureusement, très peu de mesures concrètes sortiront de cette enquête fédérale de 1886, parce qu'une bonne part de la législation dans le domaine social relève des provinces et non pas du gouvernement fédéral. Alors, le gouvernement provincial, suite à cette enquête de 86, instituera la loi des manufactures qui fixe l'âge minimum de travail dans les manufactures, dans les usines. Et cette loi-là sera adoptée en 89-90, à peu près aux environs de ce moment-là. Comment définit-on les conditions de travail dans cette législation de la fin des années 80, M. Rouillard? Oui. On fixe l'âge minimum de travail dans les usines dans le cas des jeunes filles, à 14 ans, l'âge minimum, c'est 14 ans. Je pense pas qu'il y ait d'âge minimum de travail pour les garçons encore. Ça viendra un petit peu plus tard. Il y a aussi une semaine maximale de travail qui est de 60 heures par semaine. la législation sera améliorée graduellement par la suite, là, au début du 20e siècle. Alors, c'est en gros là, ce qu'on trouve dans cette loi des manufactures. La montée de la classe ouvrière, de sa conscience de classe, la définition de stratégies destinées à influencer les gouvernements pour infléchir les législations en sa faveur, voilà un processus lancé dans les années 1880 qui est encore en train de s'accomplir. Cependant, il est clair que ce qui va déclencher cette prise de conscience de classe d'une manière exaucée dans les années 1880, c'est la mécanisation, l'apparition de la fabrique. La prochaine fois, nous examinerons d'un peu plus près la machinofacture et les forces qui ont façonné le processus d'industrialisation au Canada dans le dernier tiers du 19e siècle. Les personnes qui désirent se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith. Conseiller musical, Martin Paget. À la technique, René Lozeau. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecque.